بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11، طيب اقرأ يا محمد. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيتي، هذا بيتي، بيتي أمام المسجد، بيتي جميل، فيه حديقة صغيرة. غبت فيه؟ فيه حديقة صغيرة. معروف غبت لا كم دافع؟ فيه حديقة صغيرة. Toi tu prononces le ha. فيه حال. بارك الله فيك. Suivant. S'il y a des mots pas compris, vous en trouvez un. هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة. Regarde bien. كبيرة. ومروحة جميلة. نعم. هذا سريري. نعم. وهذا كرسي. نعم. كرسي. وهذا كرسي. طيب. وهذا سوي بديغ كرسي أو ما شئت. طيب وهذا مكتبي. مسيبا. ساعتي وقرامي. رياض بيا. ساعتي و. قرامي. très bien. كتابي على المكتب. continue. si je vous dis pas d'arrêter, n'arrêtez pas. vas-y. وحاقبتي تحت المكتب. ونافذة الغرفة مفتوحة. pourquoi t'as pas dit نافذة؟ pourquoi tu pas dit نافذة؟ ouais. il est مضاف. regardez là, on a vu quoi? نافذة غرفة. نافذة مضاف. وغرفة مضاف إليه. et lui-même il est quoi? مضاف. il مضاف إليه أين هو؟ الياء. طيب tu l'as fait ce dars Ibrahim, مضاف مضاف إليه. المضاف المضاف إليه. tu l'as fait? non. il y a quelqu'un qui te rattrape les cours là? ouais du début. طيب الحمد لله. طيب بارك الله فيك. tu demandes au frère s'il peut accélérer ce cours. المضاف المضاف إليه. là le dars. طيب vous avez compris là ce que je viens de dire là? نافذة غرفتي. nous on avait étudié quoi? هذا كتاب زيد. on était passé par quoi? que par un seul مضاف. mais là, comme je l'avais dit une fois dans le dars, il peut s'avérer qu'on pourra trouver un مضاف إليه et lui-même il est مضاف. vous avez compris ça? regardez. نافذة مضاف. est-ce que c'est n'importe quelle fenêtre? là, les fenêtres de la غرفة, la chambre. et c'est n'importe quelle غرفة? c'est sa propre غرفة. tout le monde a compris ça? طيب. à vous. Regardez bien. هذه غرفتي. غرفتو. نعم. وتلك غرفتو أختي. très bien. غرفتو أخي. كبيرة. وغرفتو أختي. صغيرة. très bien. suivant. أيمن. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ. très bien. suivant. لي أخ واحد اسمه أسامة ولي السلام ولي أخت واحدة اسمها سعاد. سعاد. suivant. Ti. très bien. Abi wa ummi fi tilka al-ghurfati al-kabirati. très bien. suivant. ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. na'am. très bien. ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. tous les mots sont compris inchallah. ça va? tout le monde a compris? Ibrahim? matbakh c'est la cuisine.

ومن هذه ومن لا ومن ومن ومن هذه الفتاة الفتاة الفتاة الفتاة اللاهي اللاتي اللاهي لا اللاتي اللاتي عليكم السلام أوه معك معك ولا ريبيتي ومن هذه الفتاة ومن لا ومن هذه ومن هذه الفتاة الفتاة الفتاة الفتاحي طيب اللاتي معك اللاتي معك خبيا ومن هذه الفتاة التي معك أهي هي أختك أختك أهي أختك نعم وسوا لا هي بنت عمي نعم ما اسمها اسمها فاطمة très bien هي زميلتك très bien ما شاء الله لا تاني ici لا voilà لا انا في المدرستي المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية très bien لا انا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية très bien suivant لا كي اخت لا مالي اختي اخت لا مالي اخت لك اخ suivant كبير كبير نعم لي أخ كبير وهو طالب يا طالب باهي هو طالب بالجامعة وهو طالب وباجامعة لا بالجامعة بالجامعة بالجامعة لا جامعة الجامعة سي الجروب الجامعة سي لونيفرسيتي ها سا سي مو ايجالمون رياضي Si on néglige la prolongation, c'est un mot. Vous avez vu ? Et si on met la prolongation, c'est un autre mot. Hein ? Al-Jama'a, c'est le groupe. Al-Jami'a, c'est l'université. Pour ça, faites attention. Na'am li akhun kabirun huwa talibun bil jami'ati. Au suivant. Très bien. Huwa ibnu akhi. Masmuhu. Masmuhu. Ismuhu Sa'adun. أمك في أ أمك. le premier c'est quoi l'interrogation. طيب vas-y. أمك. أمك في البيت الآن. الآن. très bien. لا ذهبت إلى المستشفى. très bien. je pense que tout le monde a compris là. c'est pas difficile le texte. طيب C'est-à-dire, si tu veux dire à un frère comment tu vas, on dira Kaifa Haluka. Hein? Ici, c'est une sœur Kaifa Haluki. Voilà. Après, on a vu quoi Anta pour un frère, Anti pour une sœur. On va faire ces exercices-là. Comme ça, demain, Inch'Allah, on va rentrer dans le verbe et le sujet. Il y a juste à lire. Iqra Mohamed. Iqra Waktoub. Kaifa Haluka Ya Abi. Très bien. كيف حالك يا أبي؟ Comment t'as su qu'il fallait dire حالك؟ أبي. Par rapport à أبي. Très bien. Inch'Allah. طيب. كيف حالك؟ Il a su à qui parler. Il a dit ك. طيب. يا أبي. Suivant. كيف حالك يا أمي؟ Très bien. كيف حالك يا أمي؟ Suivant. À voix haute. نعم أين ابنك يا زينب؟ ذهب إلى المسجد. ربيت؟ ذهب إلى المسجد. ولا ذهب إلى المسجد. وسوا؟ أين بنتك يا آمنة؟ يا باحة. يا آمنة. يا. ديديا. أين بيتك يا آمنة؟ بنتك. أين بنت؟ بنتك. بنتك يا آمنة. باحة. ديت. ربيت دار موا. ديديا. يا آمنة. آمنة. voilà. يا آمنة. أين